parle quand je les traverse. Chaque pas sonne comme une promesse. Les pierres gardent des cris anciens, des visages perdus, des destins. L'idée ce qu'il avance en lumière. Chaque souffle ronge la poussière. Sous la pluie, mes mots résonnent. Chaque silence devient couronne. Les murs fissurés ne répondent pas, mais l'écho s'accroche à ma voix. Chaque vue est une étincelle, un feu fragile mais éternel. Je suis la trace qu'on peut rayer, un chant que le temps veut effacer. Même oublié, je persiste. Chaque mot devient I am the echo through these streets, the rhythm carved in stone. Of thunder, of lullaby, the fire I call my own. Born of silence, carved in flame, written in scars, in truth. I am writer, skill eternal, and I rise because of you. Les néons crachent leur lueur morte, chaque regard brûle mes portes. Je parle cru, je parle droit, chaque crime s'écrit pour toi. Je suis l'ombre qui veille dans la ville, la voix qui résonne immobile. Sous la brume mes pas s'allongent, chaque souffle devient mensonge. Les années pèsent sur mes épaules, mais mes mots percent comme des balles. Un vieil écho perdu dans vos écrans, un cri sincère contre le temps. Je suis Ride Skill, l'ombre fidèle, chaque phrase devient étincelle. Je marche encore, même effacée, car chaque mot me fait rester. I am the echo through these streets, the rhythm carved in stone. Of thunder, half lullaby, the fire I call my own. Born of silence, carved in flame, written in scars, in truth. I am right, a skill eternal. Je garde ma trace, chaque horizon devient menace. Chaque regard, chaque vibration se grave en moi comme confession. Je ne cherche rien, juste une voix, un instant vrai, un éclat de choix. Même seule ma flamme résiste, chaque silence devient artiste. By the song you'll always know. Made of passion, carved in scars, written in blood, in truth. I am writer, skill eternal, and I rise because of you. Sous les étoiles, je parle encore. Chaque vibration traverse vos corps. Je suis writer, skill. Je suis la flamme. Le son qui jamais ne s'éteint dans l'âme. Même si le temps cherche l'oubli, je reste une ombre dans vos vies.